des réactions. Vous pouvez rester, hein, si vous voulez. Vous pouvez rester. Donc, je vais demander à Jean-Charles Ourcan maintenant d'intervenir. Moi, je suis 440, c'est ça. Voilà. Moi, je suis un peu raide, non pas parce que je suis payé par 440, mais parce que j'ai un torticolis. Voilà. Bon. Donc, merci. Je vais essayer de chronométrer pour ne pas faire plus de 15 minutes quand même. Non, mais ceci dit, alors je rebondis sur la provocation scandaleuse que tu as faite en disant que, de fait, j'interviens, et j'avais prévu de faire ça en partie, j'interviens dans une expérience particulière parce que je me dis que si je commence à parler hors de cette expérience, je ne vais pas être compris. En gros, c'est vrai que ma carrière et celle de mon laboratoire, on a eu des contrats depuis 71, donc ça fait beaucoup. Hein. Des contrats publics français, contrats internationaux, communauté européenne, programme des Nations Unies sur l'environnement, la Banque mondiale, j'en passe, mais aussi l'ADEME en France et les grands organismes industriels que sont Électricité de France, Total, le grand pollueur, Renault, Schneider, etc. Et alors pour quand même se racheter, on a aussi dans notre domaine d'activité, on a travaillé trois fois pour des ONG environnementales, WWF, trois fois pour des ONG sur la lutte contre la faim, et pour la CFDT deux fois. Donc on n'est pas seulement 440 quand même. Alors, mon intervention était de dire que, donc j'ai pris au bon le titre, hein, les contenus, tu en as parlé, et on voit bien derrière la question de l'indépendance et de la perte d'indépendance. Le problème de la carrière et des métiers de chercheur, j'avais prévu de ne pas en parler, en disant que j'en parlais dans le débat, mais vu ce que vous avez dit, je vais quand même essayer de donner deux minutes, un peu mon sentiment, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je vais quand même ça ne pas trop en parler, sauf à la fin, je pense. Et il y a une dimension que j'aimerais bien introduire, dire parce qu'elle n'a pas été dite, sauf de façon un peu plus orthogonale par Marc tout à l'heure. La question de l'expertise publique. Parce que comme je m'occupe de questions d'environnement, d'énergie, de changement technique, évidemment, on nous demande notre avis. Et donc, un chercheur dans notre domaine ne peut pas ne pas quelque part dire des choses sur des décisions qui engagent quand même quelques milliards. Qui fait d'ailleurs qu'on est financé par des gens qui ont des milliards pour qu'on fasse des choses. Ce point est important. Hein, parce que quand même, la chose importante, c'est certes de faire de la recherche, mais la chose importante quand même, c'est que certains problèmes sont pris en charge par la société et que quand des décisions sont prises, elles soient le moins stupides possible. Et je ne vais pas élaborer là-dessus, sauf dans le débat, mais pour rebondir sur ce qu'a dit Marc tout à l'heure. Pourquoi les chercheurs ne s'investissent pas en politique? Alors, je prends le mot politique au sens très large. Si vous voulez, parmi le chef de la délégation climat pour les États-Unis aujourd'hui, c'est Jonathan Pershing, un type que je connais bien. C'est un ami, c'est un géologue, c'est un universitaire. Le numéro 2 de la délégation américaine, la dernière fois, c'est Dan Bolansky, qui est un universitaire, sciences politiques, qui est revenu à l'université. Le chef économiste actuellement autour de la délégation américaine, toujours sur le même sujet, bien sûr, hein, c'est Billy Badger, qui était, disons, à Horizons for the Future, qui est l'équivalent du CIRED, on va dire, de mon équipe aux États-Unis. Ça veut dire que ceux que je connais comme étant ceux qui, aujourd'hui, autour du gouvernement américain, comme du temps de Clinton, sont autour de la table, sont des scientifiques qui, pendant ce moment-là, font de la politique. Voilà. En France, je vous signale, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein? Et ça explique beaucoup de choses sur ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est quand même un concernement personnel important. Hein? Donc je gardais ça en tête, que c'est pas seulement la recherche qui m'intéresse, c'est aussi le lien avec les problèmes sociaux et la façon dont on débat d'une façon publique. Alors, les contenus... finalement, mon intervention va être un petit peu historique pour faire sentir phase positive et phase négative du financement par la recherche. Si j'ai fait de la recherche, c'est parce qu'il y a eu explosion de ces thématiques environnementales, changement global, qu'on appelle maintenant développement durable, avant la conférence de Stockholm autour de l'affaire du Club de Rome. À l'époque, je suis recruté par Ignacy Sachs, qui est donc directeur d'études à l'École des études. Pourquoi il est là? Parce que l'École des études a cette souplesse en France de recruter des gens de façon plus souple que dans d'autres domaines. C'est Brodel, simplement, qui fait venir Sachs en France. Et Sachs prend des petits gars dont j'étais pour faire quelque chose. Et donc, premier contrat, c'est ça. Ce qui va devenir le problème des Nations Unies sur l'environnement. On participe à Stockholm, tout ça. Comment ça suit après ? Parce que, en fait, pourquoi je suis resté ? C'était passionnant. Et on voit bien l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'on est forcé, pour s'occuper de problèmes de long terme, de travailler à la charnière entre l'économie, parce qu'il faut se projeter, il y a des quantités d'énergie, il y a des prix, il y a des choses comme ça. Travailler avec des ingénieurs, parce que c'est de la technologie derrière, si on fait du nucléaire, des biocarburants, des trucs comme ça. Puis très vite, les sciences de la nature. Plus tard, ça sera le climat pur, mais déjà, il y a d'autres choses. Donc on est vraiment dans un nœud de problème qui implique une interdisciplinarité. On ne peut pas séparer tout ça. On est donc forcé de faire ce qu'on peut avec ces trois domaines. Et qui va soutenir ça ? Les premiers qui vont faire ça en France, c'est EDF. Pourquoi EDF ? Non pas pour vendre plus de kilowattheures, simplement parce que c'est des grandes entreprises qui voient bien qu'on se pose des problèmes à T+30 qui les concernent, T+40. Et une centrale nucléaire, ça dure 50 ans, quoi, et même plus maintenant, n'est-ce pas ? Un barrage électrique, c'est pareil. Donc, on est forcé de réfléchir à dans longtemps. Et aussi les communautés européennes. Donc, ça, très, très tôt. Donc, phase positive, le problème est venu de l'extérieur de la science. Même si ce sont des scientifiques, bien sûr, qui étaient derrière. Attendez, il y avait des gens qui avaient écrit des choses. Hein. Mais ce qui va faire que ça devienne un problème, ça vient même de l'extérieur de la science. C'est pas le scientifique dans son laboratoire ou dans son appartement qui a dit « Ah, qu'est-ce que c'est important !» Et il y a donc des acteurs économiques et des acteurs politiques qui ont décrété que c'était important et qui ont convié des chercheurs. Enfin, ça s'est passé comme ça. Du côté français, les organismes de recherche, finalement, réagissent assez bien, puisque finalement, on est titularisé, mais on est des marginaux. En gros, ça veut dire que dans les organismes de recherche, il y a quelques qui disent « c'est une curieuse question, cette affaire, il faut les aider ». Mais c'était rien à voir avec la programmation générale de la recherche en France, bien entendu. Au niveau universitaire, c'est un non-sujet. On va me dire, dans les années 80, « tu te coupes de quoi, là, c'est développement soutenable ?» C'est un non-sujet. On m'a dit ça à plusieurs reprises. Ça n'existe pas comme sujet. Bon, heureusement que je n'ai pas attendu. Autre chose qui est positive, qui est peu connue, mais il faut savoir que dans ces domaines, il est nécessaire, si on veut comprendre ce qui se passe, de travailler avec les acteurs économiques. J'ai travaillé sur le nucléaire dans les pays en développement. Je n'ai pu avoir le mini-succès que j'ai eu que parce que je travaillais avec EDF et avec d'autres gens, que l'Agence internationale de l'énergie atomique, à un moment donné, m'a donné les billes pour démontrer que c'était stupide de développer trop vite le nucléaire dans les pays en développement. C'est-à-dire qu'on m'a donné les moyens de démontrer, un peu à front renversé quand même, que ce qui était dans la tête des gens était un petit peu trop simpliste. Même chose pour les questions, j'ai d'autres thèmes sur lesquels j'ai travaillé comme ça, sans lesquels, les questions de tarification pour les énergies renouvelables et choses comme ça, sans lesquelles vous ne pouvez pas dans ces domaines travailler vraiment et comprendre ce qui se passe si vous ne travaillez pas avec des acteurs économiques. C'est simplement impossible. Vous pouvez faire semblant de dire des choses intelligentes, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Donc vous êtes bien forcé de mettre les mains dans le cambouis. Ça, c'est la phase positive. Prix à payer dans cette affaire. Prix à payer historiquement et risque futur. Le prix à payer au niveau national, distinguer le national et puis l'international. Au niveau national, l'émiettement. À savoir que chaque ministère s'est dit, il faut faire quelque chose là-dessus. Alors, vous aviez l'environnement, vous aviez la DGMP, vous aviez les affaires étrangères, très importantes dans notre domaine, et chacun avait son programme. Autant que guichet. Le Sénat faisait ce qu'il pouvait avec des pires, avec des problèmes interdisciplinaires, quelques sous, et tout ça faisait un tout très très éclaté. Lorsque Marx, c'est pas parce qu'il est là que je le dis, mais il le sait que je le pense très très très, très fortement, c'est que quand Marx est venu nous voir pour essayer de dire sur ces questions de développement durable, qu'est-ce qu'on pourrait faire, ma réponse a été « Ah bon Dieu, si pour une fois, on a une communauté de gens comme moi qui l'un était sur l'eau, l'autre était sur l'énergie, et le troisième était sur des questions de la ville, etc. » qui avions passé notre vie à lutter contre l'émiettement sur des sujets qui devenaient à l'époque très porteurs, mais avaient des communautés très, très, très éclatées. Si on pouvait créer un réseau en Île-de-France où, de fait, il y a un financement un peu commun, et on se connaît depuis longtemps, et on peut faire quelque chose en commun pour faire cesser cet émiettement, ça serait très bien. Et grâce à lui, on y arrive, tant bien que mal, mais on y arrive. Donc, il y a émiettement total en France. Europe, qui a joué un rôle très, très, très important, là, très important, parce que, bien évidemment, ça a été le lieu central des financements. Avec l'inconvénient, phénomène réseau, comme tu dis, mais une professionnalisation très forte dans d'autres pays que le nôtre, Angleterre, Pays-Bas et aussi les Allemands, où pour tenir la bataille sur les contrats européens, il faut une capacité de gestion importante. Il faut, j'estime, 20 à 30% de gestion, sans gestion. Comptable, administratif, colloque, machin, etc. Donc un style de recherche, y compris nous, quoiqu'étant pas normal dans les conditions françaises, on avait des problèmes pour résister. Deuxième chose, dérive science-expertise. Il y a en Europe et dans d'autres pays, bien sûr, mais je prends l'Europe parce que c'est ce que je connais là, milieu des années 90, une accélération des commandes qui fait que même quand le chercheur sait que ses outils sont limités, il doit répondre en temps et en heure, en deux ans, rapidement, dans des formats déterminés, il n'a pas le temps d'accumuler au niveau des méthodes. Le prix à payer est important, social, parce qu'aujourd'hui, je peux vous le dire, je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais dans nos domaines, les modèles qu'on a ne sont pas capables de répondre à certaines questions clés qui devraient être mises en évidence. J'essaie de donner un exemple évident dans le monde actuel. Travailler sur les questions de réduction des gaz à effet de serre et des modèles économiques fondés uniquement sur la notion d'équilibre pose un problème dans une économie qui est un peu marquée par les déséquilibres. Mais pour des raisons techniques, un modèle avec déséquilibre, c'est plus compliqué à faire qu'un modèle avec équilibre, et que c'est plus facile de vendre un contrat avec le modèle que vous avez, donc personne ne va regarder ce qu'il y a derrière. Ça vaut ça pour l'agriculture et la libéralisation de l'agriculture. Les chercheurs le savent en général, hein. Si on est honnête, ils le disent. Question, c'est que là, on a un vrai problème. C'est qu'on a un vrai problème de décalage entre ce qu'il faudrait comme avancée de la recherche et ce qu'on peut produire tant qu'on est uniquement soumis à une logique, entre guillemets, contractuelle de ce type-là. Alors, comme je ne veux pas déborder, je suis à peu près tranquille, là. 5 minutes, ça va, ça va. Pour donner l'exemple, c'est un exemple personnel, pour essayer de dire, c'est pas de la théorie, hein. Bon, j'ai été membre du conseil scientifique du dernier rapport de la Banque mondiale sur le développement, qui est chargé sur le climat. Ce rapport est une vraie, pas parce que j'ai participé, mais je pense quand même, vu l'ambiance, c'était quand même un rapport très important pour poser des questions de financement et de incapacité des rouages actuels de la négociation de résoudre le problème Nord-Sud. C'était ça le message. Si vous regardez ce rapport, c'est très simple. Les outils qui sont là, les gens qui écrivent le rapport savent que les outils sont inadaptés. Et tout le rapport consiste à jouer avec ce que peuvent dire les outils qui n'est pas ce qu'on sait qu'ils devraient dire, pour essayer de faire passer quelques idées qui sont-elles intéressantes. Donc c'est assez marrant, parce que vous avez les outils, la critique des outils, donc la thèse. Mais les outils qu'il faudrait, ils n'y sont pas. Donc là, sur ces dossiers-là, la situation est grave. Ils sont graves, je peux parler en son nom, même s'il n'est pas là, sur les modèles climatiques, où aujourd'hui, des gens comme Hervé Le Truc, il n'est pas là, donc je le dis à sa place, se dit, mais bon Dieu, on est en train, nous, en France, de perdre la course sur l'amélioration des modèles de climat. Au moment où tout le monde en parle, on n'a plus les moyens d'accumuler sur le long terme pour résoudre des problèmes techniques, scientifiques, théoriques que l'on a à résoudre. Bon. Alors, les risques pour le futur. Donc, vous voyez bien, je ne suis pas un contre la recherche par les contrats. Je suis même pour la recherche avec un financement, avec des participations privées. Je crois que c'est impossible de faire sans ça. C'est pas la peine. Mais il y a un problème de conditions de réalisation pour que ça se passe bien. Alors, les dérives que je vois venir... Alors, d'abord, la conclusion et les dérives. Évidemment, de mon expérience, je tire la chose suivante. Un, il faut accepter la recherche sur contrat, mais il faut voir qu'est-ce que ça veut dire derrière. Deuxièmement, tout se joue sur le problème de rapport de force. Tant que le pilier, entre guillemets, public est suffisant, non seulement pour dire non, c'est parce que dire non, vous savez, c'est un problème de liberté individuelle, hein, ça, où les gens sont courageux ou ils ne sont pas. Bon. Mais résister au plan financier, mais surtout aussi en termes d'autorité scientifique, de capacité de dire non, ça je peux le faire, je prends le risque, même si le gars n'a pas encore compris, je prends le risque parce que c'est important. Donc si vous avez un déséquilibre ou une régulation publique de la recherche est capable de jouer sur des programmes au long cours, ce système peut dériver très vite. c'est un problème de capacité de programmation. Alors, bien sûr, pose la question, dans quelle mesure les organismes sont armés pour faire cette programmation au long cours? Mais c'est la responsabilité maintenant est du côté public. Mais s'il y a un déséquilibre, c'est de fait extrêmement grave. Deuxièmement, bien sûr, en termes de statut et de carrière, j'ai dit que j'en parlerai très très peu, donc je fais quand même un tout petit peu. Il est évident que dans un truc comme ça, on ne peut pas raisonner uniquement avec des chercheurs sur statut, mais qu'en même temps aussi, s'il n'y a pas assez de chercheurs sur statut, vous êtes foutus. Au nom de ce problème de l'équilibre et du rapport de force. Un des risques, ici, je reprends ce que tu as dit à la fin, c'est un problème de concurrence et de coopération. Moi, je ne suis pas dupe, écoutez, hein, la recherche est un milieu compétitif, c'est un milieu de concurrence. Sauf que ça devrait être un lieu de concurrence et de coopération, les deux en même temps. Et il y a un risque, de fait, pour que le système actuel tire vers un émiettement. Et la question des laboratoires et de leur maintien est un problème très, très, très important. Alors, c'est là que peut-être, moi, j'ai une expérience très particulière par rapport aux autres sciences sociales. Dans d'autres domaines, c'est impossible de survivre s'il n'y a pas des laboratoires, des forts, des constitués. D'accord ? Voilà. Donc, nous, ce n'est pas ça le risque. Le risque, pour nous, dans mon domaine, c'est la chose suivante. C'est que, surtout en France, hein, ça c'est très français ce que je vais dire, c'est que la façon dont on mime un système américain ou anglo-saxon qu'on connaît mal conduit, à mon avis, chez nous, à avoir un peu le pire des deux mondes, si je caricature, du libéralisme avec du colbertisme. On dit qu'on libéralise et qu'on simplifie, mais en pratique, on est très, très centré. Et dans mes domaines, le lieu du colbertisme est très simple, il est quand même sur le plateau de Saclay. Que vous ne sauriez pas, ce n'est pas un hasard quand même, le plateau de Saclay. Il y a quand même des acteurs économiques forts au plateau de Saclay. L'un s'appelle le CEA, Arriva, tout ça, c'est pas rien pour l'histoire économique française. C'est un vrai problème, un vrai enjeu. Parce que derrière, vous pouvez courir après, et puis il y a beaucoup de grandes écoles derrière. En Europe, le risque existe. Pourquoi? Parce qu'il y a une dérive de l'appareil européen, surtout qu'on est à 27 maintenant, à faire des grandes opérations démonstratives, des grands trucs. On va centraliser, sélectionner les meilleurs, mais alors là, pour le coup, les meilleurs réseaux. Et par exemple, va être fait, on en fait partie, donc je suis content, je suis de bon côté du manche, moi. Le kit climat, 10 millions d'euros, fait par une initiative européenne centralisée, quelques grands laboratoires, grands réseaux. Alors, moi, je fais partie du truc climat français. Il y a le PIK à Berlin, il y a les Anglais, les entreprises. Et là, par rapport au schéma que j'avais avant, c'est intéressant. Le schéma que je vous ai expliqué auparavant, c'est quoi? C'est EDF qui se pose des questions. C'est Total, un peu moins. C'est plus récent, qui s'en pose. C'est Renault qui s'en pose. Enfin, c'est de vraies questions qu'une entreprise se pose. Et dit, tiens, j'ai besoin d'y voir plus clair. Bon, alors ensuite, on regarde comment ils font. Mais voilà. C'est une vraie décision. Le risque qu'il y a, c'est pas un risque, c'est que ça se passe comme ça aujourd'hui, en France et en Europe. C'est là, c'est le labyrinthisme et le corbettisme, c'est on va tordre le bras aux entreprises pour qu'elles financent certains programmes. Et bien sûr, les deals sont très politiques dans un truc comme ça. Donc c'est l'entreprise comme acteur politique avec certains gouvernements, et bien sûr, vous avez le jeu, plusieurs niveaux de jeu derrière. C'est important à suivre, parce que dans notre domaine, c'est un truc qui est bon, ça y est, le coup est joué. Donc la question, c'est que ce n'est plus un problème même de présence du privé ou pas, c'est de quel type de mode de décision qui fait que l'Europe va prendre des grandes initiatives, et dans ces cas-là, comment se fait la négociation entre les politiques et les grands acteurs industriels. Je vais de la conclusion sur ça, pratiquement, j'ai quasiment tout dit, c'est un diagnostic, hein, si vous voulez. Je crois qu'il faut raisonner de plus en plus sur un triangle recherche publique, ce qui veut dire une capacité de programmation sur le long terme, ce qui veut dire des labos, ce qui veut dire une logique collective. Recherche privée, mais au sens privé, au sens des industriels, quoi, ceux qui ont des besoins, oui, ça existe. Et il faut que la science, que nous nous organisions de façon telle que on ne perde jamais la main sur le contrôle scientifique. C'est pas un rêve, je crois que c'est possible. Parce que du côté des intérêts privés ou des intérêts public, vous n'avez pas de front uni. C'est pas vrai. C'est notre responsabilité de nous organiser pour être capable de répondre. Et de dire non de temps en temps, ou de suggérer d'autres choses. Bon. Ce triangle, à mon avis, il est jouable. au moins en France aujourd'hui, je pense qu'il est fortement, on essaye de le jouer d'une façon telle que, la partie science en tant que telle, en tant qu'acteur, risque d'être éclatée et incapable de répondre. J'ai pas parlé trop des carrières de chercheurs, mais donc je le ferai plutôt dans le débat. Le simple truc, en gros là-dedans, c'est que par rapport au modèle standard qu'on a connu tous dans notre jeunesse, il va falloir que l'on en garde les avantages, corrige certains inconvénients. C'est que je pense de fait qu'on a un gros problème derrière, qui est la question de la pondération entre des CDI et des postes de fonctionnaires. La deuxième chose qui est importante, c'est la rigidité disciplinaire, surtout en sciences humaines. C'est que nos procédures de sélection restent, qu'on le veuille ou non, étroitement disciplinaires. Et si on veut jouer le jeu, en partie, que je viens de raconter, ou y être présent, ça demande d'être un peu plus capable d'adaptation. Donc je m'arrête là sur un témoignage un peu et quelques questions. Et j'ai d'autres choses à dire sur le sujet même des carrières, mais encore une fois, je me retiens là-dessus.